Unité d'enseignement codé LMD 150, enregistrement numéro 1. Bonjour, la partie sonore du cours d'ancien français sur Perceval est assurée, comme la partie écrite, par May Plouzeau, professeur à l'Université de Provence, dont vous entendez la voix. L'enregistrement se fait dans un studio de l'Université de Provence, sur le site d'Aix. Monsieur Joël Bertin assure la prise de son avec le sourire et compétence. Nous sommes le 14 décembre 1999. Cette prise de son ne se fait pas dans les meilleures conditions. En effet, je ne dispose pas d'un micro-cravate qui laisserait libre de ses mouvements, mais je dispose de deux micros vissés à la table et dans lesquels je dois prendre soin de toujours bien parler, à côté d'une lampe qui projette sur mes feuilles l'ombre incommode des micros. Et sur la table, beaucoup de papiers que je dois consulter en restant dans le faisceau de la lumière et sans perdre les micros de voix. Donc, ces conditions matérielles, qui sont plutôt dépassées, entravent le mouvement et elles empêchent de se concentrer sur ce que l'on dit. Elles expliqueront peut-être certains défauts de ce qui vient, pourquoi je sollicite des excuses. Dans les cas 7, nous traiterons d'abord des questions de prononciation, principalement comment lire le moins mal possible le texte au programme, puis nous nous intéresserons à certains aspects du lexique de Perceval. Commençons par la prononciation. De l'ancien français, nous ne conservons que des documents écrits. Mais en étudiant ces documents, en comparant différents états de notre langue et en exploitant notre connaissance du latin, et au moyen de quelques autres procédés, nous sommes souvent en mesure de restituer les principaux traits de prononciation de notre ancienne langue à différents endroits et différentes époques. En effet, la prononciation changeait d'une région à l'autre et a évolué au cours même de la période que nous nous accordons pour décrire notre langue comme de l'ancien français, c'est-à-dire, très grossièrement, des environs de l'an 850 à la fin du XIIIe siècle. Les déductions des philologues sont fiables et à l'heure actuelle, la plupart des gens qui enseignent l'ancien français ont coutume de lire les textes dans une prononciation restituée et d'exiger en retour cette prononciation de leurs étudiants, notamment lorsqu'ils présentent des épreuves orales. Je choisirai deux textes pour vous aider à lire. Un passage de « La mort, le roi Arthur », édition de Jean Frappier de 1964, et un passage de Perceval, édition Félix Lecoy. Ces deux textes ont tous deux été transcrits par des copistes du XIIIe siècle de l'Est de Paris. Et sur de nombreux points, ceux qui seront examinés dans un instant, nous avons lieu de croire que les façons de prononcer étaient similaires. J'adopterai un type de prononciation qui serait celle d'une personne vivant à l'est de Paris vers 1230-1240 et qui serait assez conservatrice. Voici quelques précisions. Ces précisions s'adressent aux spécialistes et aux étudiants familiers avec l'histoire de notre langue. À un débutant absolu, elles risquent de paraître obscures, mais je ne puis en faire l'économie. Voici. L'ancien français n'a cessé d'évoluer. En particulier, de nombreux phénomènes enclenchés sporadiquement à la fin du XIIe siècle ne se sont répandus partout en français qu'à la fin du XIIIe siècle. J'ai dû opter pour des choix de lecture. Les plus importants concernent d'une part S, implosif, devant consonne sourde, que je continue à prononcer, et d'autre part les affriqués, où je me montrerai également conservatrice, bien que le texte de Jean Frappier témoigne d'un état de langue où la consonne « ce » peut se réduire à « ce ». Pour des raisons que j'appellerai pédagogiques, je continue à prononcer « ce », cette consonne étant très utile pour comprendre et retenir de nombreux faits de morphologie. Dans la foulée, je prononcerai aussi « je », « che » et « ze ». Par ailleurs, certains de mes choix de lecture reposent sur des critères scientifiques dont l'exposé serait peu abordable à des débutants. Je signalerai en particulier la lecture « sun » du possessif écrit « s-u-e-n » et la lecture « compagnie » du mot qui signifie « compagnie ». Ces choix s'appuient sur un examen de la scripta du texte et sur les données de l'ouvrage de Miss Pope « From Latin to Modern French ». J'en ai terminé avec ces points de méthode et j'en viens à l'exposé de quelques règles fondamentales qui, à ce que je crois, peuvent être acceptées par les médiévistes étant donné les caractéristiques des textes publiés d'une part par Jean Frappier et d'autre part par Félix Lecoy. Donc, je commence à lire dans « La mort Arthur », édition Jean Frappier de 1964, à partir du début du paragraphe 48. « En ceste partie dilicontes que, quand l'Irues Artus se fut partit de Tannburg, entre lui et la ruine, il chevaucha le premier jour jusqu'à une seune chastelle que l'on appelait Taurok. La nuit, jut les Hans à grande compagnie de chevaliers, et lendemain manda à la ruine qu'elle s'en allast à Camaalot. Et Irwes remist à Taurok et séjourna illuc trois jours. Et quand il s'en partit, il erra jusqu'à une bouesse. Et en celle bouesse, avait jadis été Lancelot en prison deux hivers et une été, chez Morgan la déloyale, qui encore y estuit, et avec lui à sept gens qui lui faisaient compagnie en toutes ses hôtes. L'Irwes se mist elbouesse avec sa meignée, et il ne stuit mieux très bien hétiez. Si fourvoyèrent tant, qu'ils perdirent leur droit chemin del tout en tout. En telle manière allèrent-on que la nuit vint obscure. Lors s'arresta l'Irwes et demanda à sa meignée. Que ferons-nous? Nous avons perdu le notre chemin. Sire, font-ils, il nous vient mieux si remanouir que aller avant, car nous ne ferions force nous travailler. À ce qu'il n'y a en ce bois, maison, ne recette que nous y sachons. Et nous avons assez de viande. Si tendrons votre pavillon en ce pré, si reposerons huit messes, et demain, ce Dieu plaît, quand nous serons mis à la voie, nous trouverons tel chemin qui bien nous mènera hors del bois à notre volonté. Rassurez-vous, une traduction vous sera fournie par écrit. Sur de nombreux points, les graphies de la mort Arthur correspondent à des façons de prononcer qui sont déjà les nôtres. Je commenterai surtout ce qui est différent. Tout d'abord, les consonnes. vous constatez que la plupart se prononcent comme aujourd'hui. En particulier, ce qui est écrit Q, U, se prononce K, ligne 1, en cette partie dite li contes, que, quand, li rues, etc. Cela dit, nous allons passer en revue les principales différences entre l'ancien français de la mort Arthur et le français moderne. Il s'agit pour nous de bien prononcer les choses écrites. Touchant les consonnes, ces différences illustrent une des lois qui préside à l'histoire des sons de notre langue et que l'on pourrait appeler, avec le sourire et sans omettre de guillemets, la loi du moindre effort. À mesure qu'on avance dans le temps, certains sons s'articulent avec moins d'énergie. Ainsi, nous constatons que toutes les consonnes écrites se prononcent, sauf dans trois cas. Voici ces trois exceptions. En premier lieu, la conjonction « e » écrite « e »,« t » se prononce déjà « e », comme aujourd'hui. En second lieu, la lettre « h » peut n'être que purement graphique et, par définition, ne pas se prononcer. C'est ce qui se produit dans le mot de la ligne 24, Inès, qui signifie aujourd'hui. C'est ce qui se produit aussi dans le mot H-O-M-E, signifiant homme, absent du passage, mais très fréquent. En troisième lieu, S, placé à l'intérieur d'un mot devant une consonne sonore, ne se prononce pas. Opposé ligne 1, tsest, t est une consonne sourde, je prononce le s, à ligne 11, tloéal, l est sonore. Opposé ligne 3, jusqu'à, que est sourd, à ligne 14, meñiel, n est sonore. Mais pour le reste, on peut faire le choix de prononcer toutes les consonnes sans commettre de faute, me semble-t-il. Écoutez encore le début du passage. En cette partie dilicontes que, quand l'Irues Artus se fut partit de Tonneburg, entre lui et la ruine, il chevaucha le premier jour jusqu'à une seule chastel que l'on appelait Taurok. La nuit, jut les Hans à grande compagnie de chevaliers. Notez l'énergie du R. R, roulé avec la pointe de la langue derrière les dents, au lieu de la ridicule petite constriction à peine audible que produit généralement le R du français standard actuel. Notez que le H non muet, celui qui n'est pas purement graphique, se fait effectivement entendre. Vous pouvez le prononcer comme le H de l'allemand Haus, H-A-U-S, ou de l'anglais House, H-O-U-S-E. Ce H non muet se trouve dans des mots d'origine germanique, par exemple, ligne 14, Hetjetz, ou dans des mots influencé par les langues germaniques. Exemple, ligne 36, haut, mur. Vous voyez par ce dernier exemple que le H prononcé de l'ancien français correspond en français moderne au H dit disjonctif. Il empêche l'élision. Nous disons aujourd'hui le au mur. L'énergie articulatoire se manifeste encore dans les consonnes affriquées tch, dj, ts, dz. Voici des détails. Ce qui est écrit c, h doit se prononcer tch. Exemple, ligne 3, tchabauché. Ligne 4, tchastel. Ligne 5, tchevaliers. Vous voyez que ce tch s'est simplifié en ch au cours du temps. Similairement, ce que nous prononçons aujourd'hui « je » se prononçait « Je. Exemple, ligne 3, tour. Ligne 3, jusqu'à. Ligne 12, jump. Chaque fois que vous rencontrez la lettre J, et d'autre part, chaque fois que vous rencontrez la lettre G devant la lettre E ou devant la lettre I, vous devez prononcer je. Quant à l'affriqué ts, elle est rendue par deux groupes de graphies. Premièrement, en fin de mot, la lettre Z. Deuxièmement, en fin de mot, C cédille ou C devant la lettre E ou devant la lettre I. Écoutez, ligne 1, tsest, ligne 2, partits, ligne 5, les hans, ligne 9, tsel. Touchant la prononciation des consonnes, vous devez être attentif à la consonne L. L'ancien français connaît un L palatal, lieu, et un L non palatal. Le L palatal, lieu, se fait entendre, par exemple, aujourd'hui, dans l'italien figlio, F-I-G-L-I-O, qui signifie fils, et ce lieu se prononce comme un L avec la langue largement étalée contre le palais. Cette consonne a disparu de notre langue pour être remplacée par un iod. Exemple, travail, émerveillé. Mais pour ce iod du français moderne, nous avons conservé les graphies les plus courantes en ancien français, à savoir I, L à la finale, exemple français moderne, travail, et I, deux L, à l'intérieur d'un mot. Exemple, français moderne, émerveillé. Donc, écoutez bien. Ligne 21, travellier. Ligne 23, pavillon. Naturellement, la séquence graphique IL est aussi ambiguë en ancien français qu'en français moderne. Ainsi, en français d'aujourd'hui, c'est notre connaissance préalable de la langue qui nous fait lire sans nous tromper. Par exemple, un sillon, S-I-2-L-O-N, mais une ville, V-I-2-L-E. Dans le paragraphe 48 de La mort Arthur, vous devez lire ligne 8, iluk, et ligne 50, nonil. Je termine les remarques sur les consonnes par un fait capital, mais qui n'est pas illustré dans cette partie du paragraphe 48. Placée à la finale d'un mot, la lettre X est une abréviation pour les lettres U, S. Ainsi, on lira Biaus, ce qui est écrit souvent B, I, A, X. On lira Chebaus, ce qui est écrit C-H-E-V-A-X, et on lira Deus, ce qui est écrit D-E-X, le nom de Dieu. Avant de parler des voyelles, poursuivons la lecture du paragraphe 48 de La mort, le roi Arthur, depuis la ligne 27. Eliruès s'accorde bien à ceste chose, et si tost comme il aurait commencé à tendre le pavillon, si ouirent une cor à cette presse deux, qui sont là par deux foyer. Parfois, fait Eliruès, près de si adjante, allez voir qui ce est. Et sa grammars lidere et monte maintenant sur son cheval, si s'en veut c'est le part, droite où il hôte ouïe c'est le vuit del corps. Si l'ami grandement allait, que il trouve une tour forte et grande et menuement kernelée, éclose de toutes parts de moutes hautes mûres. Ils descendent et viennent à la porte, s'y appellent. Quand les portiers entendent qu'il adjante à la porte, s'y demandent qui il est et qu'il veut. « Je suis, fait-il, sagromorph lidereets, une chevalière que messire Lirouès Artus, qui si près est en ses puest, a si envoyé. Et mande à ceux de ce chastel qu'il veut en huit désir séance. Si soyez appareillés de lui recevoir, si comme vous devez, car je le vous amènerai au rendroit ici à toute sa compagnie. Bien sûr, faites les portiers. Or souffrez une petite, s'il vous plaît, tant que je ai à madame parler, qui est la suce en sa chambre, et je reviendrai au rendroit à vous, si Horwitz sa réponse. Première remarque, le E qui se prononce un peu plus en avant de la bouche qu'aujourd'hui, E, n'est généralement pas muet, qu'il soit à l'intérieur ou à la fin des mots. Aujourd'hui, c'est E sont la plupart du temps muets dans la France du Nord. On peut voir leur disparition en effet de la fameuse loi du moindre effort, entre guillemets, s'il vous plaît. Mais si un E final de polysyllabe précède un mot qui commence par une voyelle, alors ce E s'élide. Réécoutez. Ligne 27-28. L'Irouès s'accorde bien à cette chose et s'y toste comme il. Etc. Ligne 32, monte maintenant. Ligne 33, celle part. De même, si un mot de plus d'une syllabe est terminé par E, S, vous faites entendre le E. Exemple, ligne 1, les comptes. Ligne 36, toutes parts. Parallèlement, la finale de sixième personne des verbes écrites « e »,« n », « t » ne s'escamote pas. Exemple, ligne 15, « perdirent », ligne 16, « allerent ». Mais attention, si le mot est terminé par « e », « z », on lit « ets ». Exemple, ligne 14, « hetjets », ligne 44, « devets ». Dernière remarque très importante sur le son E. Vous le faites entendre. L'Irouès s'accorde bien. Il monte maintenant. Mais dans les polysyllabes, vous ne le placez pas sous l'accent tonique. S'accorde, monte, maintenant. Et il en va de même pour le E dans la plupart des monosyllabes. La deuxième remarque sur les voyelles concerne la prononciation « ouais ». Tout ce qui est écrit « o »,« i » sans tréma se prononce « ouais ». Exemple, ligne 31, « the where », ligne 33, « droite ». Cette prononciation s'est maintenue dans le bel usage jusqu'au XVIIe siècle. Louis XIV disait « le roué, c'est moué ». Troisième remarque sur les voyelles. La question très importante des trémas. Réécoutez les lignes 27-29. Elirouès s'accorde bien à cette chose et si tost comme il aurent commencé à tendre le pavillon, si ou ir une corde. Entendez-vous la différence entre rouès, R-O-I-S, pas de tréma, et ouirent, où la lettre I est munie d'un tréma. Soyez très attentifs au tréma. Dans vos éditions, Mort Arthur et Perceval, il a la signification phonétique suivante. Quand un I ou un U est en hiatus par rapport à une voyelle contiguë, c'est-à-dire quand il n'appartient pas à la même syllabe que cette voyelle, ce I ou ce U est muni d'un tréma. Écoutons. Ligne 3, re-in. Ligne 24, ou-irnt. Ligne 34, ou-ir. Ligne 59, re-tse-uts. La quatrième série de remarques liées aux voyelles concerne les nasalisations. Mais je vois que clignote une lampe m'indiquant que j'arrive au bout de la première séance et ce sera pour l'autre partie de l'enregistrement.